Sur ce nouvel air, l'allure des bonheurs, l'air fonce d'air. N'annonce une nouvelle ère, ouais. Celle de la liste d'air, clairement déterminée. Pourtant sur la voie de garage écuyée, sans reperminé, mais c'est terminé, spliff allumé. Pour exulter notre rage, notre colère, malgré les avantages. Sache qu'on est davantage destiné au dérapage. Puis le démarrage, c'est bien dommage. Ce qui est fait est fait, y'a plus rien à faire donc on se réfère. Seulement à ce qu'on vit et voit, c'est clair, pas d'image, pas de métaphore. Fort le faire bouger avec un 11 fort. Pour plus d'un 11 d'or, d'un essieu d'or. Peut-être ai-je tort de l'arborer, collaborer. Un star trop de pédé lassé, on mis à mort. Distrib, all star, toujours hardcore. Distrib, all stars. Distrib, all stars. Distrib, all stars. Distrib, all stars. J'essaie de faire du mieux que je peux dans tout ce que je fais. Aux yeux de certains sujets, ce n'est pas du concret. Pourtant, ma création reflète ce que je ressens au fond de moi-même. Même si parfois je m'approche du fond, je suis la voix qui m'emmène dans des réflexions. La conception de ma vie, en gardant comme vision donner le bien à ceux qui m'appuient. Depuis toutes ces années, on ne fait que persister afin d'acquérir de quoi mettre nos proches en sûreté. C'est sûr qu'on n'a pas choisi la facilité. On reste droit envers soi sans être dépendant de l'illégalité. Et être la proie de l'inégalité, voir la fiction changer en réalité. Alors, on affûte ce pouvoir de communication. On recherche la lumière dans ce trou noir avec application. Pour qu'à l'écoute du son de la distribution, on en tire une entière satisfaction. Que des rimes réelles qui te frictionnent, façonnées par des esprits posés, démontrant que l'on fonctionne contre l'État qui ne pense qu'à nous ponctionner. C'est leur mensonge qui nous pousse à les fractionner. Distrib all stars, distrib all stars, distrib all stars, distrib all stars. Le peuple est à la recherche du concret. Il faut que je marque mon chemin comme sur un tableau noir d'une blanche craie. J'ai toujours l'habitude d'être un mec tranquille, discret. Mais de plein gré avec le mic intégré, je me montre le plus indiscret. Mon souhait est tué d'un trait car je bosse comme un forçat. Fais des extras dans les extraits pour accentuer mon progrès. Moi c'est Agacha et Pop Agré, distrib pour procréer. Tu vois de quelle manière je peux venir m'insérer, m'ancrer. Mon objectif précis n'est pas de ramasser de l'oseille. Quand je rappe jusqu'au lendemain, depuis la veille, je sensibilise les oreilles. Je tchatche avec gouache, coupe tranche comme une hache. Faut que mon style arrache, faut pas que mon potentiel je gâche. A toi de bouger ton cul, donne-moi un bon compte rendu. Pour être perçu, pour être vu, fais du vrai hip-hop qui tue. Il faut faire le forcing, travaille comme un forçat. Tape dans le tas si tu veux pas tomber du très haut en bas. Car ce que les gens attendent, c'est qu'ils mettent le feu et rien que ça. À moins que le chemin emprunté ne soit trop corsé pour toi. Distrib, distrib all stars. Distrib, distrib all stars. Change quand même, des propositions se concrétisent dans le domaine du peu rare. Des promotions font du bien à la distribution de notre bien, ainsi qu'à la réputation qui nous appartient pour les années à venir. On persiste à tenir afin d'échelonner le trône qui sera remis sur le podium pour un style stable qui renaît. Qu'on oublie en star erroné pour certains. Au milieu du débris social, l'industrie remet les cartes sur table. On exprime notre joie sur papier comme un écolier son cartable à jour de rentrée. Mais plus tard, à nous de faire rentrer l'expérience acquise, à nous de faire tremper les fréquences du maquis. La nuit tombe avec aisance pour une alliance. Né sur Marne, plaisance. Petit veille sur les villes qui réveillent tes sens. Quelle merveille, patrimoine ancestral se donne des ailes. Représente une œuvre 3 de A à Z. Akacha se présente sans trop parler. Accentue son flow sous les flots mais sans trop tarder. Distrib, distrib all stars.